les talons devant le discours de ces merdes. Par la monde au sale chien, regarde bien pousser mes ailes. Vindicta, la seule issue, je la prêche comme un évangéliste. Comme le môme que j'étais qui faisait que des siennes. VVS, Tangerine, c'est du Boca Teva Jurine. Si j'écoutais les ondis, je me serais tué à 12 sous l'exomile. Double life, j'ai mes combines. 3 ID, chante des comptines. Les années passent, le pattern reste. L'épicier me voit plus que son fils. Sous chirurgie de Double K, devant la cam, ils vont coller. On m'écoute pas parce que je suis trendy. M'écoute pour mon épopée. Je veux le château des Cavendish depuis l'époque de chasseur dragon. Mogadon dans le biberon, je suis venu enterrer mes fils. Je comprends certains soient ouverts. Au vu des statistiques, tout ça sans donner mon cul. Sans un concert, sans un clip. Au milieu de cette Didi fric. Anti-Hades, pas de sacrifice. Si je veux te passer un message, tamponne le logo sur la cire. Petit rapace, fais pas baiser. Par cet enculé de renard. Il fait son temps dans son nid, pur vers les chasser sans remords. Entasse les accessoires d'un tyran. Jour de quoi baffer un virement. J'ai plus de sueur devant la tirette. Mais je fais la pince comme mes aïeux après la guerre. 10 000 coins de pure platine, tamponné du seau de la maison. Après ça, je peux m'en aller, j'ai une bonne raison. SPK dans le caisson, on les nettoie à chaque saison. On perd très peu nos campagnes, on face off les têtes de réseau. C'est dans la panse, je rentre comme un sudiste dans le saloon. Serre-moi deux vovos de suite, je m'en branle si les vers sont insalubres. Je sors une patte de croco, je pète un puant qui sent le salut. Aigri jusqu'à la mort tant que j'ai pas le cul au fond d'une saline. Une ayab que je tords comme Rico. Deux BBS qui s'alignent en haut de la montagne comme Enrico. 2001 dans le ciel, ce soir encore d'humeur piquante. Je fais danser s'il fit sur mon acier, tu peux m'appeler Serpico. Un peu grincheux, je roule un grinch, les mains poisseuses. Sur moi j'ai le cranté de 9 inches que je garde pour les gros poissons. Dans mes roues y'a plus d'un bâton, dans leur rang y'a plus d'un bâtard. Les trois lettres venues les battre, les faire douter de leur standing. Brandis pas ton étendard de merde, taché par du sperme. Sueur essence, c'est ça qui jonche le mien. Depuis que je suis level 10, je les laisse partouser comme les types de Carcosa. FM Néo comme Rust et Marty dans tout ça. C'est que les échos de Vorkuta, je suis même pas sorti de ma grotte. Entouré par les Florentinas, je fomente pour péter des portes. J'ai sorti la paire ovale sur la Pix comme Carlos au chacal. L'année prochaine, je fais la même, avec un 3 pièces tout en jacquard. J'avance tout doux sur la voie, le cul dans un John Deere. Série 7, 42 pouces, leur corps sous mes pneumatiques. J'essaie de tenir le coup, de pas trop vomir en chemin. Y'a des liqueurs, des fanatiques, de 3 que j'aurais jeté au chien.